La psychiatrie et l'esprit. La psychiatrie qui s'est développée en Occident n'est pas nécessairement en lien avec les lois de l'esprit parce qu'elle s'est développée en lien avec une conscience matérialiste et réflexive dans le rapport à la vie essentiellement. Mais les choses sont appelées à changer, sauf que l'évolution de la psychiatrie, donc les concepts qui se rapportent à la santé mentale, sont appelés à évoluer en relation avec une conscience nouvelle des individus qui vont la pratiquer au fil du temps. Mais comme le changement de conscience se fait de manière individuelle, ça va prendre une longue période de temps parce qu'il y a une masse critique et on est axé à une psychiatrie post-matérialiste, donc une vision qui est au-delà du réductionnisme matérialiste, mais tout va tendre vers ça car les gens, au fil des ans et des siècles, sont de plus en plus pénétrés par l'énergie de l'esprit. Ce qui fait en sorte que présentement, la problématique que peuvent vivre les êtres humains, c'est que la psychologie qui est véhiculé par les institutions officielles comme les universités essentiellement, ne tient pas compte de leur multidimensionnalité. Et c'est une lacune importante parce que les gens qui vivent des états psychiques différents de la majorité, les gens qui vivent une communication intra-psychique, par exemple, avec l'esprit, sont catégorisés comme des gens qui vivent des états de psychose, qui hallucinent, qui délirent par des psychologues, par des psychiatres, par des intervenants qui ne vivent pas ça. Et c'est sûr que les gens qui ne vivent pas ça consciemment ne peuvent pas intégrer adéquatement et comprendre ce type d'expérience-là car elle n'est pas connue de leur part. Ça ne peut pas faire sens pour eux. Et le grand drame, c'est que les gens qui vivent pour l'ego, qui réfléchit. L'ego qui réfléchit pas, c'est pas nécessairement un drame. Donc, il y a des nuances à apporter. Mais la problématique pour des individus qui vivent d'une conscience vibratoire, c'est que ces gens-là ne peuvent pas être compris sur le plan psychologique et psychique par les individus qui ne vivent pas ça. Comme l'a déjà été dit, le semblable n'est connu que par le semblable. Et la psychologie, la psychiatrie sont des sciences en développement, sont des sciences nouvelles, des sciences récentes. C'est pas des sciences qui ont plusieurs millénaires derrière eux. Donc, la psychologie contemporaine avec les éléments qui ont été amenés par Sigmund Freud, Carl Gustav Jung, ensuite, il y a Adler, il y a différents personnages, il y a différentes écoles de pensée aussi, là, en plus des psychanalytiques, il y a l'approche cognitivo-comportementale, ensuite la thérapie d'acceptation d'engagement, il y a différentes approches qui ont été amenées au niveau des formes. Ça peut avoir une certaine utilité par rapport à des gens, aussi l'approche médicale, parce que tout est interrelié, puis oui, la médication a un impact sur le fonctionnement physique et psychologique. C'est comme quelqu'un qui a des électrochocs sur le cerveau, ça va avoir un impact naturellement sur son fonctionnement. Il y a la voie de la médication qui a été adoptée et développée par une partie des psychiatres. Puis oui, si les gens ne sont pas capables de contenir, par exemple, un état de personne qui est en psychose, la personne en état psychose a de la difficulté à gérer ça. En réalité, la psychose, c'est quoi? C'est un état de possession que la personne va vivre par rapport à des forces astrales ou même par rapport à l'esprit. Et ça, c'est une dimension qui est intéressante à être abordée parce que souvent, les gens vont voir à travers le phénomène de la psychose où la personne perd la notion du temps, de l'espace, elle a une conscience altérée et est chevauchée par des forces que c'est nécessairement des forces de l'involution négative. Ah, il part des forces créative aussi qui chevauche l'individu. Il y a différents types de forces. Et le problème, c'est que l'ego qui est confronté à des forces qu'il n'est pas capable de contenir et l'ego qui n'est pas capable d'interagir avec elle d'une manière intelligente et d'avoir la capacité de censure ou de mettre un stop aux forces qui vont l'envahir et qui peuvent l'amener à faire des actions ou des gestes que normalement il ne ferait pas. Donc, ça, c'est une particularité. Sauf que présentement, la psychiatrie n'est pas outillée en termes de compréhension du réel de qu'est-ce qui se passe, par exemple, quand quelqu'un est en psychose, pour contenir les choses d'une manière adéquate et œuvrer d'une manière psychique plutôt que médicale par une contention physique. C'est-à-dire, on met la personne dans une camisole de force pour la contenir, ou des gens vont la maîtriser physiquement, ou on va lui donner de la médication. Mais éventuellement, ce qui est moins intrusif, c'est d'utiliser la parole vibratoire pour ajuster la personne. Mais éventuellement, on s'en va vers ça. Mais c'est pas qui peut exercer la parole vibratoire pour amener la personne à être délogée par l'entité astrale qui, par exemple, va l'amener à faire des comportements de débordement lors d'une crise de psychose. C'est pas qui peut faire ça. C'est pas qui veut, pardon, c'est qui peut. Mais c'est pas donné à tout le monde. Mais éventuellement, il y aura l'apparition des gens qui vont pratiquer la psychiatrie, qui auront une conscience vibratoire et qui vont avoir une perception occulte, chose que n'ont pas les gens qui œuvrent d'une perspective psychologique. C'est juste une question de temps. Et ces gens-là vont être capables d'utiliser la puissance du verbe chargé de l'énergie de l'esprit pour véhiculer la vibration de l'esprit sur la psyché de l'individu qui vit une crise de psychose et neutraliser l'activité de la force qui va amener la personne à avoir un comportement qui manque d'ajustement lorsqu'elle vit l'état de psychose. Mais pour en venir là, ça prend un être qui est en processus de fusion d'une manière avancée, donc d'intégration de l'énergie. Ça prend un être qui a un taux vibratoire élevé pour faire ça et éventuellement, il y en aura. Éventuellement, les paradigmes vont changer. Présentement, on se dirige vers des changements de paradigme. Il y a l'apparition, par exemple, du concept de conscience extra-neuronale véhiculé par Jean-Jacques Charbonnier. Il y a le concept aussi de science post-matérialiste qui permet d'intégrer des éléments à caractère qui étaient jusqu'à tout récemment occultes, développés par Mario Beauregard. Il y en aura d'autres aussi scientifiques qui vont amener à élargir les horizons pour que la science de la psychiatrie, comme les différentes sciences qui existent sur Terre, intègrent une compréhension de plus en plus vaste de l'être humain. Donc, et cette compréhension-là va permettre de réaliser que, à travers, par exemple, un déséquilibre, dans le cerveau, quelqu'un peut vivre, par exemple, un manque de certaines hormones comme la sérotonine ou autres. Et oui, la médication peut avoir une certaine utilité par rapport à ça, sauf qu'il peut y avoir aussi un changement vibratoire ou une éducation de la personne dans une autogestion psychique où la personne va apprendre à gérer son rapport par rapport aux entités et aux forces qui peuvent créer des déséquilibres biologiques dans son cerveau. Encore là, il faut que la personne ait la vibration pour intégrer ça et c'est pas le cas de tout le monde. Ça prend des corps suffisamment solides de contenance. Là, ça devient intéressant d'aborder ça. C'est-à-dire que si le patient psychiatrique qui vit un état de psychose qui a un potentiel d'intégration vibratoire et de fusionner avec l'esprit a des corps suffisamment solides pour contenir intelligemment cette énergie, la personne peut se sortir elle-même de l'état de psychose. D'ailleurs, il y aura des liens qui vont se faire de plus en plus entre différentes sciences et des pratiques ancestrales. Prenons par exemple celle du chaman qui, par lui-même, va vivre un état de transe, donc est en contact avec le monde de l'esprit, être dans un mode de canalisation d'une autre forme de réalité, et que le même chaman, à la différence de la personne qui est en état de psychose, mais qu'on peut détecter à travers un électroencéphalogramme que l'activité du cerveau qu'il a lorsqu'il vit l'état de transe chamanique est similaire à celui d'une personne en état de psychose. Bon, ben cette personne-là est capable, par la suite, par elle-même, de sortir de cet état-là de psychose. Donc, sortir du contact avec le monde des esprits, ce qu'on peut appeler un état de psychose, c'est-à-dire un état d'ouverture à des énergies qu'elle va percevoir, cette personne. Et ce qui fait qu'elle est capable de s'en sortir par elle-même, à la différence de la personne qui est en état de psychose, qui doit aller à l'hôpital psychiatrique pendant un certain nombre d'heures pour se calmer, puis ensuite se détendre, puis là, la personne reprend son esprit. C'est la contenance énergétique, tout simplement, et la puissance de la volonté de mettre fin à une expérience. Donc, si la personne est capable de dire, ben là, ça suffit, telle expérience, je coupe le contact avec l'esprit, puis elle met fin, ben, elle a une puissance de volonté. Et si la personne pourrait être éduquée, si elle en a le potentiel, un peu comme le chaman, de sortir elle-même de l'état altéré de conscience qui la met en relation avec des forces, ben, à ce moment-là, elle ne souffrira plus du contact de ces forces-là. Et ce qu'il faut réaliser, que s'il y a des chamans qui ont un état similaire à une personne en psychose qui sont capables de mettre fin à cet état-là, ça veut dire que tu as des gens qui vivent présentement des états de psychose et pourraient être éduqués un peu comme des chamans à en faire autant, advenant qu'ils aient le potentiel. Et ça devient particulier parce que ça prend une certaine forme de capacité de contenance. Et la capacité de contenance est en relation avec le développement d'une volonté individualisée pour faire face à des énergies puissantes. Et c'est pas donné à tout le monde, là, naturellement. Mais il y aurait possibilité, dans certains cas, pas tous les cas, que des gens soient éduqués. C'est sûr qu'il y a d'autres cas, les gens n'ont pas assez de volonté. Fait que là, oui, prendre des antipsychotiques, c'est pertinent. Oui, la personne qui va être contenue physiquement par d'autres personnes et accompagnée par elle dans un endroit sécurisé, oui, c'est pertinent. C'est sûr que la science de la psychiatrie fait ce qu'elle peut, elle ne fait pas nécessairement ce qu'elle veut. Par contre, il y a un élargissement de la compréhension du phénomène des problèmes humains, que ce soit la névrose, la psychose, les problèmes de santé mentale qui est appelé à se faire. Et un changement de paradigme, parce que là, dans le paradigme matérialiste réductionniste actuellement qui est véhiculé dans le domaine de la psychiatrie, quelqu'un qui dit qu'il parle avec l'esprit ou qui reçoit de l'information est vu comme un halluciné. Or, les psychiatres et les psychologues de demain vont travailler à partir de cette information perçue consciemment pour amener des ajustements vibratoires à d'autres personnes, des ajustements qui se feront en lien avec les lois de l'esprit, dans le sens que l'esprit qui habite le praticien, avec une conscience nouvelle, ce qu'il va faire, c'est qu'il va envoyer, mettons, une vibration à travers la parole d'une personne ou une idée pour ajuster une autre personne si elle a à le faire. Mais tant que l'individu est inconscient des lois d'énergie qui sous-tendent le réel, il ne peut pas en être le vecteur consciemment. Donc, il est manipulé malgré lui. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que les psychologues ou les psychiatres de l'involution sont manipulés malgré eux à croire que la seule réalité qui existe, c'est celle du plan physique et croire qu'ils ont un libre arbitre. Et croire que, à quelque part, tout ce qui est au-delà de ça, tout ce qui sort de la boîte de perception qu'ils ont avec leur sens physique, n'existe pas. Et il y a des forces qui ont intérêt à maintenir cette perception-là le plus longtemps possible. Pourquoi? Parce que c'est ce qui leur permet d'être en puissance. Et tant que la personne n'a pas dévoilé pour elle-même la désinformation, le mensonge qu'elle peut recevoir dans sa psyché, et elle n'a pas, à partir d'une observation réelle, une compréhension du fait que la pensée n'origine pas d'elle, elle subit la pensée. Donc, le psychologue ou le psychiatre qui fonctionne de réflexion, il subit la pensée comme le patient psychiatrique qui va le consulter. Donc, il vit une forme d'inconscience à un certain niveau. Certes, c'est peut-être un taux vibratoire un peu plus élevé que l'autre qui va le consulter parce qu'il y a une certaine forme quand même de contenance qui peut être développée au fil du temps par rapport à des énergies plus basses. Mais il n'y a pas une compréhension multidimensionnelle. Et ce qui est en lien avec l'intégration de l'intelligence nouvelle qui va se faire, c'est que progressivement, le voile de son ignorance va se lever, ce qui va créer des chocs. L'esprit, c'est une énergie qui crée des chocs, qui bouscule des perceptions, qui amène des remises en question. Donc, une énergie de l'esprit qui rentre, qui déloge une énergie astrale, qu'est-ce que ça fait quand la forme d'une croyance éclate? Ben, c'est qu'il y a quelque chose d'autre qui la remplace. Donc, progressivement, le mental des gens à la surface de la Terre va être altéré par des énergies pour devenir plus vaste. Et ce qu'il faut comprendre, si, par exemple, quelqu'un écoute un enregistrement qui porte sur la conscience, il peut dire, ben, je vais faire écouter cet enregistrement-là, au psychiatre, donc si la personne consulte un psychiatre ou à son psychologue. Or, si ces gens-là sont pas prêts dans le ici et maintenant à intégrer ce type de compréhension de la réalité, ça servira à rien. Parce que tout est est en fonction d'où ce que la personne est rendue dans son développement. Et les gens, qu'ils soient psychologues, psychiatres, médecins, ne font pas exception à cette réalité. Donc, la personne qui est exposée à un matériel qui véhicule une vibration, si la personne n'est pas en état de choc qui favorise un état de sensibilité à cette vibration présentement dans sa vie et un changement au second niveau, ben la personne va entendre l'enregistrement intellectuellement, elle va interpréter les mots, elle va dire « bon, il y a des notions qui sont véhiculées, mais il ne percevra pas la vibration derrière et le réel de cette dernière parce que ça ne ferait pas écho au réel qu'il porte en lui. Il pourrait faire écho au réel qu'une personne porte en elle, il faut que la personne en soit consciente, et pour qu'elle en soit consciente, il faut que l'ego soit conscientisé par ça, par son propre esprit. » Ce qui fait en sorte que, en réalité, c'est toujours l'esprit qui a le dernier mot. L'esprit a le dernier mot dans le sens que c'est lui qui initie un processus, c'est lui qui se fait percevoir sur le plan vibratoire et l'enregistrement qui peut être écouté, le livre qui peut être vu en lien avec des éléments liés à de la conscience. Tous ces éléments-là, des éléments de conscience vibratoire, ne peuvent être intégrés que si la personne est sensibilisée par son esprit pour intégrer par la suite par ce type d'information. C'est sûr qu'à l'époque présente, il y a par exemple sur Internet des chercheurs dans le domaine des neurosciences, des médecins, qui vont développer au fil du temps une certaine sensibilité, qui vont être ouverts, par exemple, aux phénomènes de mort imminente, aux phénomènes de transe qui peuvent exister par rapport au chamanisme, aux états altérés de conscience, aux véhicules, par exemple, subjectifs avec des défunts. Ensuite, il y a des chercheurs qui vont être ouverts par rapport à différents phénomènes paranormaux. Mais ça, c'est en relation avec une ouverture interne. Si vous observez les gens qui parlent de ça avec une ouverture réelle, vous allez pouvoir voir que la vibration qui dégage est teintée d'une forme de sensibilité que ceux habituellement sont fermés à ça n'ont pas. Pourquoi? Parce que ça prend une sensibilité pour percevoir les phénomènes psychiques et plus cette sensibilité va s'accroître, va s'accentuer et plus la personne va être capable de travailler et d'œuvrer à partir d'une conscience vibratoire pour donner un accompagnement vibratoire des individus. L'individu ne peut pas donner ce qu'il n'a pas. Donc, si quelqu'un n'a pas une conscience vibratoire ou psychique, il ne pourra pas donner un soin psychiatrique en relation avec une intégration de données à caractère vibratoire pour ajuster la vibration du patient qui va faire, par exemple, des psychoses à intervalles réguliers. Là. Donc, c'est impossible. Et la particularité des nouveaux psychologues et psychiatres, ce qui m'apparaît dans le mental, c'est que c'est des gens qui vont pouvoir faire des soins à distance dans le sens que la personne peut faire un soin, ben ici un soin, c'est pas nécessairement l'imposition des mains que du toucher thérapeutique, mais c'est tout simplement l'utilisation de la parole. Bon, ben un psychiatre, par exemple, qui est en France, qui parle avec quelqu'un au Québec, alors qu'il est séparé d'une grande distance physique, la vibration de sa parole, dans le cadre d'une consultation, avec quelqu'un au Québec, peut changer la vibration du mental de l'individu qui reçoit la consultation, même s'il est séparé de lui par une grande quantité de kilomètres. Pourquoi? Parce que la vibration se véhicule au-delà de l'espace et du temps. Donc, c'est la même chose. Quelqu'un qui écoute un enregistrement qui a été fait il y a 20 ans, il y a 30 ans, puis il y a une vibration qui est véhiculée. Si le mental de l'individu se connecte avec la vibration qui est véhiculée à travers l'enregistrement, ou ça induit le même état dans le mental de l'individu qui écoute l'enregistrement que celui qui a émis la vibration, ben, il bénéficie de cet état-là dans un sens pour l'ajuster. Pour ce qui est de la psychiatrie, naturellement, la psychologie ou la psychiatrie nouvelle en relation avec une compréhension vibratoire associée aux lois de la vie va être confrontée à de la résistance de ceux qui ne la vivent pas, et c'est normal. Donc, parce que ça fait pas sens pour eux. Donc, si on parle, par exemple, à un enfant prépubère de la puberté, de la vie sexuelle, puis l'enfant il a pas une vie sexuelle parce que ses organes génitaux sont pas à l'état de maturité, de lui parler de relations sexuelles, de rapports de couple, ça va être difficile pour lui d'intégrer ces notions-là parce que ça s'appuie pas sur un vécu. Tandis que la personne qui a vécu adulte, la personne est rendue à 60 ans, il y a eu plusieurs partenaires, donc de lui parler de relations de couple, et de faire écho à son expérience pour l'amener à porter un jugement critique par rapport à la notion de rapport de couple, qu'est-ce qui était ajusté, qu'est-ce qui était équilibré ou pas, ça va être plus facile parce qu'il y a un vécu. Donc, le psychologue ou le psychiatre qui a juste une compréhension intellectuelle de l'être humain, qui n'a pas un vécu avec ta rancœur occulte, tu te fais raconter des expériences de mort imminente par des personnes, de perception d'entité, de phénomènes psychiques, de voix interne, ça va être difficile pour lui à intégrer s'il n'y a pas de vécu. La personne peut vouloir bien faire, avoir de l'ouverture d'esprit, mais si ça ne fait pas partie de son vécu, il ne peut pas être en état d'empathie totale, c'est-à-dire en état de réceptivité et d'ouverture réelle et pleine par rapport à, et suffisante pour comprendre l'expérience d'une autre personne. Donc, ça prend une conscience vibratoire pour comprendre une autre conscience vibratoire. Et le drame, c'est qu'il y a des psychologues qui fonctionnent, des psychiatres, d'une manière purement intellectuelle. Ils n'ont pas cette conscience-là. Il y a des gens qui vont les consulter et qui sont en mutation psychique. Et ces gens-là, en consultation, vont dire qu'ils entendent des voix, qu'ils ont des perceptions. Et ces gens-là manquent d'équilibre. D'où le fait qu'ils vont aller vouloir consulter le psychologue ou le psychiatre. Sauf que le psychologue et le psychiatre, vu qu'ils n'intègrent pas ça, ben, ils n'ont pas nécessairement une capacité de comprendre qu'est-ce qu'ils vivent. Et à ce moment-là, ben, ça devient problématique pour les gens qui vivent ça parce qu'ils n'ont pas nécessairement une oreille réceptive. Et ils peuvent se sentir jugés dans leur vécu, incompris. Mais ils n'ont pas tort dans un sens parce que les autres ne comprennent pas. Et on ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a pas une conscience vibratoire équilibrée associée à un processus de fusion d'aider à quelqu'un qui commence à vivre le processus de la fusion ou d'intégration d'énergie et que la personne est chevauchée malgré elle par de l'astral. On ne peut pas demander à un être humain de donner ce qu'il n'a pas ou de véhiculer une vibration qu'il ne capte pas consciemment. C'est impossible. Ce qui fait que quelqu'un qui prend une conscience plus occulte dans la société au moment où il fait cet enregistrement-là, c'est des gens dans le domaine de la spiritualité, comme des médiums, ou quelqu'un consulte un médium, un clairvoyant, il va lui parler qu'il perçoit des entités, le médium va dire « Ben oui, j'en perçois aussi. Au moment où on se parle, je perçois telle personne, telle chose, telle ci, telle ça. » Sauf que le médium peut avoir des croyances spirituelles, puis son discours peut être teinté de croyances religieuses. Donc, il n'y aura pas nécessairement une culture scientifique aussi développée que, par exemple, le psychiatre qui connaît les différentes aires du cerveau, le fonctionnement de certaines hormones du cerveau, comme la dopamine, l'ocytocine. Et ensuite, il ne pourra pas utiliser de la médication non plus pour aider une régulation du comportement. Si la personne, pour compenser en fait un manque de contenance psychique, la médication, la perception que j'en ai pour ajuster des gens, c'est un petit peu comme une béquille à défaut d'autre chose. Mais c'est sûr qu'éventuellement, ça sera d'une manière différente, ça va évoluer pour que, quelque part, la contenance se fasse tout simplement par un ajustement vibratoire. Mais ça va venir avec le temps. Mais pour créer un ajustement vibratoire, il faut que la vibration soit suffisamment forte de l'individu qui ajuste pour ajuster l'autre réellement. Il faut qu'il y ait un décalage énergétique. Mais le problème, c'est que souvent, les gens dans le domaine de la psychiatrie et la psychologie, au moment où ils font cet enregistrement, donc... sont pas nécessairement ouverts d'esprit parce qu'ils n'ont pas été formés, éduqués par rapport à ça. Mais ils ont un cadre scientifique. Tandis qu'il y a des gens dans le domaine de la haute spiritualité, des médiums, des voyants, des clairaudients, et ainsi de suite. Eux autres, ils ont l'ouverture d'esprit, mais ils n'ont pas nécessairement le cadre scientifique. Puis ce qu'ils vont véhiculer va être teinté de croyances à caractère religieux et spirituel qui peuvent... dans certains cas, être nuisible par rapport à des individus. Donc, les institutions humaines, présentement, avec les individus qui les composent, vont manquer souvent d'ajustement. Et le plus grand drame pour l'individu qui fusionne, ben, c'est qu'il n'y aura peut-être pas d'autres êtres fusionnés ou plus avancés dans le processus, dans son environnement ou avec lequel il peut interagir sur Internet dans l'optique de vivre des ajustements vibratoires consciemment avec un autre être humain. Mais encore là, ça n'a pas nécessairement à passer par ça, parce que Lorsque la personne est habituée par elle-même à contenir l'énergie, puis être capable de couper sa relation consciemment avec l'énergie qu'elle peut capter dans sa conscience qui va l'envahir, bien, elle n'a plus nécessairement besoin d'un support externe pour l'aider à ça, et de moins en moins avec le temps. Elle a moins en moins de besoin, par exemple, du support d'une médication, d'un psychiatre, advenant le cas, pour la contenir, ou les propos rassurants d'un médium qui va le cabiner, puis il va amener une espèce d'état de détente hypnotique pour la stabiliser au niveau de l'ego. Mais la stabilisation au niveau de l'ego peut avoir une utilité. En fait, dans un sens, tout peut servir, mais le problème avec l'époque actuelle, c'est, pour beaucoup d'individus, le manque de ressources, le manque de compréhension de la science. Mais tout ça, ça va s'ajuster au fil des années, des siècles. Et ceux qui en payent le prix, c'est naturellement les premiers initiés. Pourquoi? Parce que les infrastructures pour les accompagner adéquatement dans leur développement ne sont pas là. Donc, c'est des gens qui vivent des chocs énergétiques, ils ne peuvent pas bénéficier d'une compréhension des autres de l'environnement. Et ils doivent faire tout par eux-mêmes. Donc, le fardeau, le travail est très lourd sur leurs épaules, à la différence des initiés qui vont naître à travers des corps physiques sur Terre, là, dans 100 ans ou dans 200 ans sur Terre, où là, il y aura progressivement des infrastructures qui seront mises en place pour les accompagner, etc. Donc, c'est un petit peu comme d'autres phénomènes, dans le sens que si un phénomène n'est pas accepté ou incompris par une société, prenons par exemple le cas, il y a à peine quelques décennies, de l'homosexualité. L'homosexualité était vue par les gens dans le domaine de la psychologie, de la psychiatrie, comme un problème de santé mentale. Et ces gens-là étaient jugés d'une manière péjorative. Et on cherchait à faire des thérapies de conversion avec eux, c'est-à-dire les faire cesser d'être homosexuels. Donc, les gens qui faisaient ça croyaient bien faire. Donc, il y avait une forme d'incompréhension. Par la suite, en Occident, ben, les choses ont changé. C'est-à-dire qu'il y a eu plus une psychologie d'accompagner et d'intégrer l'individu, l'aider à l'accompagner dans son intégration de son homosexualité, plutôt que lui dire qu'il n'est pas correct, puis le culpabiliser, puis dire qu'il ne devrait pas être homosexuel, puis qu'il devrait être hétérosexuel à la place. Donc, autrement dit, le rapport a changé et c'est la même chose pour les êtres fusionnés et qui vivent une conscience nouvelle, c'est-à-dire que présentement, ils ne bénéficient pas d'une compréhension, mais progressivement, il y aura des ressources puis il y a des budgets. Je veux dire, autrefois, il n'y avait pas de psychologue, il n'y avait pas de psychiatre pour accompagner les gens dans un développement. Et aujourd'hui, prenons par exemple pour la situation de la personne qui est homosexuelle, que la personne soit jeune ou adulte, il y a des ressources qui peuvent l'accompagner pour l'aider à intégrer son vécu advenant qu'elle ait de la difficulté à le faire par elle-même. Et ça sera la même chose pour l'individu qui va vivre une altération psychique, des chocs vibratoires. Il y aura éventuellement des ressources de plus en plus présentes pour les accompagner, qui vont être composés d'individus conscients, qui vont permettre à ces gens-là de se sentir écoutés, compris dans leur processus, mais ça va venir avec le temps. Pourquoi qu'il en est ainsi? C'est parce qu'il ne peut pas en être autrement. Donc, c'est des gens individuellement qui vivent un état de conscience, qui changent, qui peuvent accompagner ou qui peuvent mieux comprendre des gens qui vivent un état de changement de conscience avec le temps. Donc, la psychologie, la psychiatrie est appelée à muter avec le temps qui passe. Le temps, c'est quoi? En réalité, c'est le passage... c'est à travers le temps, donc le passage des minutes, des heures, que l'intégration se fait. En fait, c'est comme, si on le prend au niveau de l'informatique, le téléversement de nouvelles informations dans un système. Donc, si, par exemple, vous télécharger un logiciel sur votre ordinateur, il y a une période de temps qui va s'écouler entre le moment que vous êtes capable d'utiliser le logiciel, qui va être opérationnel, et le moment que vous allez avoir appuyé pour qu'il soit téléversé sur votre ordinateur. Donc, c'est un délai. Donc, il y a une nouvelle façon d'être sur le plan psychique qui est téléversée dans le mental de différents individus. Au début, ben c'est sûr que l'individu qui n'est pas habitué de composer avec des descentes d'énergie importantes peut vivre des états de psychose, des états de dépression, des états aussi de problèmes de gestion énergétique. Parce que Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la charge d'énergie auquel l'individu est confronté augmente et qu'il n'est pas préparé par rapport à ça, il y a différentes réactions qu'il peut avoir. Donc, s'il n'y a pas, comment dire, s'il est confronté à des impulsions énergétiques plus grandes, et l'ego n'a pas nécessairement une volonté qui grandit automatiquement en lien avec ça, ben, il faut qu'il la développe. Donc, un peu comme, par exemple, le cavalier qui doit développer une puissance de volonté pour conduire l'animalité du cheval, pour dresser le cheval. Donc, l'individu doit chevaucher les descentes d'énergie qui lient à des êtres, ça peut être des êtres astraux ou même éthériques, plutôt qu'être chevauché par l'énergie. Donc, il doit avoir un renversement de rôle. Et en tant que canal, il peut réaliser l'intelligence à un moment donné de canaliser de l'information qui provient de l'esprit et à un autre moment donné, réaliser que c'est intelligent qu'il s'aide de la canaliser pour une administration complète et volontaire de par la conscience individuée de l'énergie qui passe à travers elle, mais qui est en relation avec les lois de l'énergie pour que ce qu'il fait, c'est intelligent et que ça soit aligné par rapport à une conscience créative en émergence qui va lui permettre d'être un vecteur d'un rayonnement d'énergie nouveau à la surface de la Terre. Donc, la parole de l'individu nouveau va déloger des champs de l'astralité, va dépolluer le mental d'individus qui peuvent la recevoir. Et la parole du psychiatre ou du psychologue nouveau va en faire autant. Donc, la parole ou l'utilisation de la puissance de la volonté par rapport à une conscience pour la pénétrer psychiquement et déloger l'astral va être un outil thérapeutique de plus en plus étudié et utilisé aussi par les gens dans la science car donnant un résultat. Ça va être reconnu, ça va se faire dans le temps. Le temps est nécessaire pour permettre l'intégration de cette compréhension et le téléversement de la réalité occulte dans le mental d'individus. Et le temps aussi, c'est des délais liés à l'intégration des changements vibratoires pour que, par exemple, quelqu'un puisse être efficace en utilisant une psychologie, une psychiatrie nouvelle, ben il faut qu'il ait connu au préalable les changements vibratoires du passage de l'évolution à l'évolution suffisamment pour ne pas être une nuisance par rapport à autrui. Donc, tant que l'individu a un mental qui est instable, il n'est pas en mesure de stabiliser l'état mental d'un autre individu et c'est normal. Donc, souvent dans le domaine de la psychologie ou de la psychiatrie, les gens qui sont des praticiens dans le fond, on leur suggère fortement et avec raison de faire sur eux un travail thérapeutique, car comment ils pourraient accompagner des gens à faire un travail thérapeutique ou de psychothérapie s'ils ne sont pas conscients de leur psyché? Donc, dans le domaine de la psychologie, on cherche à amener, par exemple, les gens à être conscients de leurs forces, de leurs failles, des éléments d'ajustement, c'est quoi qui les amène à réagir d'une manière démesurée sur le plan émotionnel, en relation, entre autres, avec des traumatismes liés au passé qui ne sont pas nécessairement réglés et qui vont agir d'une manière souterraine dans leur psyché à certains moments par rapport à certains propos qui peuvent les déclencher de la part de patients. Il y a des gens qui vont vivre ce qu'on appelle des traumatismes vicariants, c'est-à-dire qu'il y a des patients qu'ils rencontrent. Prenons, par exemple, quelqu'un qui a été victime d'agression sexuelle. Bon, bien, la personne, à travers le vécu compté par le patient, bien, elle peut vivre un état de traumatisme où le traumatisme raconté fait écho à des situations traumatiques que la personne a vécues elle-même dans son enfance. Et là, elle va souffrir en même temps que le patient et elle va être astralisée à ce moment-là au lieu d'être froide dans le mental. Pourquoi? Parce que l'énergie de son traumatisme, du traumatisme qui est vécu, des propos à caractère traumatiste véhiculés par le patient ne peut pas être intégré à mesure par la personne qui est praticienne. Mais pour intégrer à mesure des propos sans être astralisé par eux, ça prend une très grande contenance psychique. Or, la contenance psychique n'apparaît pas du jour au lendemain par magie. C'est en relation avec l'intégration de choc, ce qui fait en sorte que le psychologue ou le psychiatre nouveau, ça va être des êtres qui ont une grande capacité d'intégrer des chocs énergétiques qui vont leur permettre par la suite d'accompagner les gens qui les consultent dans l'intégration des chocs énergétiques qu'ils vivent dans leur quotidien, dans leur vie de tous les jours. Et ça ne peut pas être autrement. Et ça, c'est un drame dans le sens qu'il ne suffit pas de faire une formation universitaire de plusieurs années en psychologie, en médecine, pour être capable d'accompagner adéquatement les gens. Non, il faut que la personne ait un vécu d'intégration de choc énergétique. Parce que si on parle, par exemple, de la pratique d'une médecine vibratoire, d'une psychologie et d'une psychiatrie vibratoire, bien, la psychiatrie vibratoire, en termes d'intégration vibratoire, ça passe par un changement vibratoire vécu d'abord au sein de l'individu. Et le vécu passe par l'intégration de choc d'énergie où le rehaussement de la contenance de l'individu par rapport à des énergies de plus en plus denses augmente pour qu'il y ait une descente de plus en plus grande en proportion de l'énergie de l'esprit au sein de l'individu. Et plus que l'intégration de l'énergie de l'esprit se fait au sein de l'individu, plus que l'individu peut voir clair par rapport à des réalités multidimensionnelles, étant donné que sa perception de la multidimensionnalité est grandissante en proportion. Elle s'installe de plus en plus. Donc, la double vision, c'est-à-dire la capacité de continuer de voir sur le plan physique les formes, les individus, mais voir les vibrations derrière eux et faire un travail par rapport à ce qui est derrière, qui est perçu. Donc, derrière le patient qu'il rencontre sur le plan physique, il peut avoir tout un écosystème énergétique avec des entités qu'il chevauche. Et plus la personne est sensible et consciente et pénétrée par l'énergie de l'esprit, plus qu'elle voit clair les éléments de chevauchement et plus qu'elle est en mesure de les neutraliser. Donc, le psychologue ou le psychiatre nouveau va être capable de neutraliser ces éléments-là. Il peut véhiculer une vibration pour les neutraliser. Et s'il est conscient, il va être capable aussi, si l'individu qu'il consulte a à vivre cette conscience-là, à l'éduquer pour qu'il neutralise lui-même d'une manière autonome les attaques qui proviennent du plan astral, les éléments de désajustement. Pour ne pas être toujours obligé de réajuster les patients. Donc, l'histoire de consulter un psychologue ou un psychiatre pendant 5 ans, pendant 20 ans, pendant 30 ans, si ça ne peut pas être fait autrement pour que la personne s'ajuste, bon, je peux comprendre, mais normalement, ce n'est pas souhaitable. Ce qui serait souhaitable, c'est le moins de consultations possible, le plus d'intégration possible et d'autonomie que la personne va avoir dans son autogestion de sa psyché. Pourquoi? Parce que il faut qu'à un moment donné, l'individu ne soit plus dépendant de la consultation, par exemple, d'un psychologue, d'un psychiatre qui va voir à tous les mois. Il faut que ça soit espacé à un moment donné aux 6 mois et à un moment donné, ben, il n'y a plus de consultation parce que l'individu est capable de gérer de manière autonome sa psyché et s'auto-ajuster par lui-même par rapport à l'exposition à des charges d'énergie qui, autrefois, lui créaient des chocs et le déstabilisaient. En réalité, tous les problèmes de psychologie, de psychiatrie sont en relation essentiellement avec des déstabilisations individuelles par rapport à des chocs qui sont en relation avec des tensions énergétiques qui ne sont pas contenues par rapport à certains égos. Certes, il y a certains égos, on ne peut pas leur reprocher de ne pas contenir, ils n'ont pas la capacité de... C'est comme on ne peut pas reprocher à un enfant de ne pas être capable de soulever des poids et haltères de 200 livres, il n'y a pas la force pour ça. Donc, et à ce moment-là, l'ego qui vient d'un état de décompensation, de perte de contact avec la réalité, c'est normal. Par rapport à la psychologie ou la psychiatrie nouvelle non plus, imaginez-vous pas que les nouveaux psychologues ou psychiatres vont faire des miracles dans le sens que des individus qui sont chevauchés par l'astral et qui n'ont pas la possibilité d'être éduqués pour se libérer de l'astral, ils n'ont pas la force psychique, ils n'ont pas la structure pour ça. Et ces gens-là, ben, probablement que de continuer avec un traitement conventionnel avec des antipsychotiques, ça va être probablement la chose la plus utile pour limiter les débordements astraux qu'ils peuvent vivre, tout simplement. Donc, c'est ça. Mais ça va être une science intégrative, c'est-à-dire la science nouvelle va utiliser ce qui existe dans la science actuelle, mais il va ajouter, il va bonifier de d'autres éléments. Donc, la psychologie, la psychiatrie qui vont être alignés en tant que élément relatif à une science de l'esprit intégral va bonifier la pratique avec les patients, avec les gens en consultation, de d'autres éléments pour favoriser naturellement un état d'équilibre psychique plus grand au sein des gens qui consultent. En réalité, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réalité est un peu tordue parce que L'esprit crée des déséquilibres psychiques à travers les chocs qui imposent à l'ego, qui laissent l'ego vivre, là, des chocs liés à de l'astral. Mais le choc est nécessaire pour amener des changements d'énergie. Parce que s'il n'y a pas de choc, il n'y a pas de changement dans la psyché individuelle, il n'y a pas de changement vibratoire. Et la nature, c'est le mouvement. Le choc, c'est le mouvement. Pas de choc, pas de vie. Mais le choc, en contrepartie, c'est ça qui crée des débalancements, c'est ça qui crée des états de psychose, des états de névrose, des états de troubles obsessifs compulsifs, des états de maniaco-dépression ou autre. C'est ça le problème. D'un côté, l'esprit pourrait arrêter certains problèmes de santé mentale en arrêtant les chocs, mais s'il fait ça, l'ego qui se rapporte à l'esprit n'est pas renforcé dans le temps et ne développe pas une plus grande contenance d'énergie. Donc, à ce moment-là, ça amène une stagnation évolutive. Or, l'esprit ne veut pas de stagnation évolutive, sauf que le problème, c'est que s'il continue à pousser de l'énergie dans le derrière de l'ego, et l'ego n'est pas capable de la contenir, ben, il y a des gens qui vont sombrer dans des états de dépression, il y a des gens qui, par la suite, vont avoir de la difficulté à se rééquilibrer par rapport à ces énergies-là. Ils ne deviendront pas nécessairement plus forts par rapport à la confrontation. Il peut y avoir des confrontations aussi astrales. Il y a des gens qui sont confrontés à des chocs puis ils se suicident sous l'impulsion de dictée d'entités astrales qui donnent des idées dans le mental pour agir ainsi. Tandis que l'esprit crée des chocs, mais c'est à des fins d'évolution, tandis que l'astral crée des chocs, dans certains cas, à des fins de destruction ou de possession individuelle, parce que dans certains cas, il y a des entités anti-hommes qui veulent tout simplement amener des individus à la mort. Et ça, c'est un phénomène occulte important à aborder. Les psychiatres nouveaux, un peu comme des exorcistes, devront amener une libération psychique d'individus qui sont piégés, emprisonnés psychologiquement par l'astral. Donc, c'est sûr que tout ça abordé, c'est un petit peu problématique. En fait, ce qui pourrait amener un apaisement au sein de plusieurs égos, c'est de ne plus être confronté à des chocs, mais s'ils ne sont plus confrontés à des chocs, ils n'évoluent plus puis ne deviennent pas une interface psychique plus raffinée au fil du temps. Fait que dans un sens, les chocs sont un moindre mal pour amener une évolution, sauf que dans certains cas, ça crée beaucoup de souffrance, de déséquilibre. Mais il y aura éventuellement des psychologues et des psychiatres nouveaux qui vont servir à rebalancer la psyché d'individus confrontés à des chocs qui la déséquilibrent. Ce seront des facteurs de stabilité et d'intégration de conscience et propices à une civilisation nouvelle. Mais il n'y aura pas juste des psychologues et des psychiatres nouveaux dans le temps, là. Il va y avoir des gens qui sont des juges nouveaux sur le plan du droit, des policiers nouveaux. Toutes les sciences, la chimie, la physique aussi, vont être changées par rapport aux gens qui ont une conscience vibratoire. Il va y avoir une révolution scientifique multisectorielle qui va s'opérer au cours des prochaines années, prochains siècles, prochains millénaires, à mesure que de la descente d'énergie. Que l'ego le veuille ou qu'il le veuille pas, il est appelé à changer. Tant que l'ego est régi par des forces d'involution, tant qu'il va vivre des confrontations, des oppositions, pourquoi? Parce que les forces d'évolution cherchent à faire leur nid au sein de l'ego et le raffiner et le dépolluer. Donc, il y a un travail qui va se faire. L'énergie créative va continuellement vouloir pénétrer l'ego, que l'ego en soit conscient ou pas. C'est ainsi. Donc, c'est sur ces considérations que l'enregistrement prend fin.